Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lem. Seule. Toujours vêtue de noir, on a souvent dit que vous étiez mystérieuse et triste. On a parlé de tentatives de suicide, de solitude, d'un mal de vivre tenace. De certaines qui s'habillent en noir ont dit qu'elles sont chic et moi je suis morbide ou désespérée. Je suis en noir parce que j'aime ça. Je ne me vois pas en rose bonbon ou en bleu ciel. Autrefois à la campagne, on s'habillait de noir pour assister à des noces. C'est une couleur de fête. Et puis il y a mille noirs. Dans ma vie comme dans mes disques, il y a des choses sombres et d'autres lumineuses. Ce malaise de vivre a toujours existé. Je n'ai rien inventé, j'ai simplement essayé de le dire. Il y a des déserts, mais après il y a un couloir de lumière. Quand je chante le malheur, c'est pour aller vers le bonheur. Vous n'avez peut-être pas une tête de rigolote, mais vous aimez rire et vous aimez les gens qui vous font rire. Ceux qui n'ont pas d'humour m'apparaissent comme amputés. C'est extrêmement douloureux pour moi. C'est difficile de rire quand on chante, mais je suis quelqu'un de très gai. En 1969, vous écrivez ceci dans le programme de votre récital à l'Olympia. Je ne suis pas une grande dame de la chanson. Je ne suis pas un oiseau de proie. Je ne suis pas un poète. Je ne suis pas mystérieuse. Je ne suis pas désespérée du matin au soir. Je ne suis pas une mante religieuse. Je ne vis pas dans des tentures noires. Je ne suis pas une intellectuelle. Je suis une femme qui vit, qui respire, qui rit, qui souffre, qui aime, qui aime, qui aime. Attendez que ma joie revienne et que se meure le souvenir. Cet amour de tant de peine qui n'en finit pas de mourir. Avant de me dire je t'aime, avant que je puisse vous le dire, attendons que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire. Laissez-moi, le chagrin m'emporte et je vogue sur mon délire. Laissez-moi, ouvrez cette porte. Laissez-moi, je vais revenir. J'attendrai que ma joie revienne et que soit mort le souvenir de cet amour de tant de peine pour lequel j'ai voulu mourir. J'attendrai que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire, que le vent ait séché ma peine et la nuit calmé mon délire. Il est, paraît-il, un rivage où l'on guérit du mal d'aimer. Les amours mortes y font naufrage, épave noire du passé. Si tu veux que ma joie revienne, qu'au matin je puisse sourire vers ce pays où meurt la peine, je t'en prie, laisse-moi partir. Il faut de mes amours anciennes que périsse le souvenir pour que, libéré de ma chaîne, vers toi je puisse revenir. Alors je t'en fais la promesse, ensemble nous irons cueillir au jardin fou de la tendresse la fleur d'amour qui va s'ouvrir. Mais c'est trop tôt pour dire je t'aime, trop tôt pour te l'entendre dire. La voix que j'entends c'est la sienne, ils sont vivants mes souvenirs. Pardonne-moi, c'est lui que j'aime, le passé d'aveu. J'ai longtemps essayé de lutter contre cette image de moi qui ne me ressemblait pas. Mais plus je démentais, plus on pensait que je me défendais ainsi parce qu'au fond tout était vrai. Alors j'ai fini par abandonner. On est toujours mystérieux pour quelqu'un. Cette image, ce mystère, cela vient aussi de votre façon de vivre, seul à une quarantaine de kilomètres de Paris, toujours seul. Enfant, lorsque je ne voulais plus voir ni entendre, j'appuyais dans ma tête sur une gâchette secrète et je me retrouvais immédiatement coupé du monde, les genoux repliés sous le menton, devenu inatteignable, à l'abri de herses et de murailles invisibles. Je pouvais rester ainsi une journée entière sans qu'on réussisse à me faire bouger. Aujourd'hui, je vis seule à Précy, comme recluse dans cette maison que j'aime. Cette solitude choisie, c'est peut-être une faiblesse, mais c'est aussi une grande force. Je n'ai pas triché devant l'autre. Je n'ai aucun regret, car je fais ce que j'aime, comme j'aime. Il ne faut pas lutter contre soi, mais être avec soi. J'ai vraiment pris le voile. J'ai épousé mes théâtres, le public, la scène. Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, ta l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je fais m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême et jusqu'à mon souffle dernier. Je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas. Je sais que tes amours sont mortes, je suis revenue, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou. Elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte et elle me suit pas à pas. Elle m'attend devant ma porte, elle est revenue, elle est là. Vous avez eu plusieurs fois envie de mourir, vous l'avez écrit, vous l'avez chanté. La mort, la vôtre et celle des autres, s'invite souvent dans vos chansons. Ce n'est pas moi qui ai inventé la mort. Dès sa naissance, un enfant s'achemine vers la mort. Ce n'est pas triste, c'est comme ça. On se dirige vers la mort en passant par une chose éblouissante et terrible aussi, qui est la vie. Quand on perd quelqu'un, on se trouve complètement démuni. Personne ne nous a appris. On apprend la vie, pas la mort. Je veux vivre avec la même violence que j'ai eue parfois à vouloir mourir sans vraiment mourir. On ne touche jamais aux folies, aux orages qui chez moi naissent et meurent entre passion et rage. Et que mes grands délires me fassent toujours escorte, la raison est venue, je demande qu'elle sorte. On ne décide pas de mes joies, de mes larmes, à chacun ses soleils et à chacun ses drames. Et si le noir pour moi est couleur de lumière, la raison que m'importe est qu'elle aille aux enfers. Comment voudriez-vous qu'un enfant laboureur, si on lui prend sa terre, fasse pousser ses fleurs, que jamais on écoute derrière mes volets, pour cueillir un piano ou voler un secret. Mes secrets sont pour vous, mon piano vous les porte. Mais quand la rumeur passe, je referme ma porte. On ne m'ordonne pas, je suis reine en mon île, je suis femme en mon lit, je suis folle en vos villes. Et j'ai choisi mes hommes, j'ai bâti mes empires. Au diable la raison, et vive mes délires. Comment voudriez-vous qu'un grand pierrot de lune vous fasse des chansons si on lui prend sa plume, qu'on ne touche jamais, qu'on ne décide pas, que jamais on écoute, qu'on ne m'ordonne pas. Et je serai pour vous un enfant laboureux qui fait vivre sa terre pour faire pousser ses fleurs. Et vous viendrez demain pour reposer tranquille comme on donne une fleur. Je vous laisse mon île. C'est comme ça que je suis, votre enfant laboureur. Je fais vivre ma terre pour vous offrir des fleurs, des fleurs. Vous dormiez très peu. Vous preniez des somnifères, parfois trop. Votre santé a toujours été fragile. À plusieurs reprises, des médecins vous conseillent même d'interrompre votre carrière. Au début des années 50, vous avez une vingtaine d'années, vous êtes épuisé, on décide de vous hospitaliser, c'est la première fois. En 1986, l'année de Lili Passion, vous êtes de nouveau à l'hôpital, hôpital Bégin. Vous boitez, douleur insupportable dans les doigts, dans les bras, les jambes. Par la fenêtre de ma chambre, l'automne s'enrousse comme j'aime. Visite éclair du professeur et de son équipe. Il s'étonne de la présence noirâtre et visqueuse par terre à côté de mon lit. Il croit que c'est du sang. Non, monsieur, c'est du zan. Large sourire. Le zan me suit et signe ma trace partout où je vais. Dans mes poches, sur les canapés, les coussins, sur mon bureau, dans les loges, partout. J'ai peur de réintégrer l'extérieur, de retrouver la liberté. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas du tout envie de quitter l'hôpital. Je suis fatiguée, je me sens diminuée, un trop grand désordre dans mes gestes et dans ma pensée. Perte de mémoire, difficulté à trouver mes mots. Ma mémoire chantante ? Parfaite. Les salles, les signatures, le spectacle de Lili Passion avec Gérard, notre bonheur pendant et après le spectacle. Ce séjour hospitalier m'apparaît comme une parenthèse de douceur. Je n'assume plus personne. Je me laisse porter, sans culpabilité. J'ai envie d'écrire. Un soir de 1971, Vous chantez pour la première fois dans ce très joli théâtre du gymnase et vous tombez à faune. Un médecin prétend que je vais pouvoir chanter le lendemain. De fait, je peux chanter, tant le médicament qu'il m'a prescrit se révèle miraculeux. Je me sens parfaitement bien en scène, la voix éclaircie, presque normale. Par la suite, au moindre enrouement, je replonge. Cette molécule m'a bouffé les os, bousillé les muscles, déréglé la tension et fragilisé les poumons. Je suis entrée dans un cercle infernal où, pour calmer mes douleurs ou traiter mes enrouements, je m'accrochais à la cortisone qui me rongeait, me détruisait peu à peu. Sans le comprendre, ni même le soupçonner, j'étais devenue dépendante d'un médicament poison. L'ultime alerte a lieu un soir de 1993 au Châtelet. Votre cœur, lourd de tant d'émotions, bat brusquement trop vite et trop fort. Et durant quelques secondes interminables, votre corps refuse d'obéir à un cerveau qui ne commande plus rien. Personne, j'en suis sûr, ne s'aperçoit de rien. Sauf vous, mon piano. Cette panique fulgurante pendant laquelle je reste figée, affolée, perdue. J'interromps le spectacle pendant quelque temps et puis définitivement. Je pars quand même en tournée 2 mois après. Le 26 mars 1994, après mon tout dernier concert à Tours, je remonte dans ma voiture. Je ne suis plus qu'une femme épuisée, douloureuse, vidée, morcelée, déconstruite. Après cette immense dernière fête, je suis prostrée avec tout cet amour, ces regards, ces mains tendues. Je regagne Précy avec un manque immense. Mais malgré mon isolement, malgré ce long deuil que je viens de commencer, au terme de ma belle et intense vie de nomade, je suis une femme heureuse. Physiquement, je n'ai plus la force d'être sur une scène, de réinventer chaque soir. La vie m'a arrêtée. Je ne chante plus, mais je vis. Il est 6 heures du matin, j'ai 67 ans, j'adore ma maison, je vais bien. De la pièce où je suis, je vois le jardin. Les premières roses sont apparues et la glycine blanche dégouline dans le patio. Toute une vie souterraine prend ses racines là-bas, dans les eaux dormantes qui exhalent d'âcres senteurs de soufre. Vous avez 67 ans. Et si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, je referais exactement cette route-là, avec les mêmes erreurs. J'ai couru de la lumière à la nuit, du bruit au silence, de l'amour au désespoir, folle de chanter, folle de ce métier qui fut ma manière privilégiée d'aller vers les autres. Je ne sais pas ce qui m'a donné cette force de vie, cet instinct de préservation. La guerre, peut-être ? La route ? Ou quoi ? Ou qui ? Qu'est-ce qui m'a permis de faire ce que je voulais ? Au plus près de ce que je voulais, d'être entourée de tant de gens qui m'ont aimé et que j'ai aimé jusqu'à l'épuisement. Je n'ai rien guéri, je n'ai rien sauvé. J'ai seulement traversé des instants, aussi précieux certains instants qu'une feuille à un arbre. J'ai appris à m'écouter, à intérioriser, à m'isoler avec une grande liberté. J'écoute les petites voix, je scrute la lumière rouge qui va s'allumer pour me prévenir d'un danger quand je vertigine en haut des hautes falaises. Ces voix me préserveront, m'empêcheront toujours de glisser jusqu'à la chute. Elles me confirmeront dans mes choix, ceux des êtres surtout, m'apprendront à fuir la discorde, la disharmonie, m'ordonneront de me relever ou de me laisser aller à la fatigue. Je ne détiens aucun secret, aucune formule magique. Il faut prendre le voile, préserver son désir, ne jamais s'en départir, rester bien à l'intérieur de soi, exiger autant de soi que des autres, vigiler pour les autres autant que pour soi, vouloir avec une inentamable opiniâtreté, être sa vérité, ne jamais perdre espoir, vouloir recommencer. Avoir peur, mais avancer toujours. C'était Il était un piano noir, d'après les mémoires interrompues de Barbara. 10e et dernier épisode. Seul. Avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, le piano noir. Adaptation Sophie Lemp. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Claude Niort, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation Cécile Lafont. Avec de l'encre noire. Réalisation Juliette Eman. Il était un piano noir, mémoires interrompues de Barbara, et publié aux éditions Fayard. Ma vie jusqu'à l'oubli, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens. Dans lointain paysage, se mirent des visages, mémoire des aubes pâles, des matins pâles, tu me fais mal. Quand tu ramènes vers moi ceux qui ne sont plus là, dans ma vie de recluse, je me revois parfois sur la scène de l'écluse, faisant mes premiers pas. Dans mes nuits sans sommeil, ma mémoire apparaît sur un passé soleil, au fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et des visages, faux visages. Faux visage, mirage, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens. Au bout de mes doigts, c'est fou que je vois un mirage. Oh, ne partez pas, ne craignez rien. Je suis restée l'étrangère que vous aimiez naguère. Ce fut un long détour avant que je revienne. J'ai bouclé mon parcours, j'ai traversé la Seine. Ce fut un long détour, mais chanter me ramène à deux pas de l'écluse, à deux pas de la Seine, où chante ma mémoire. J'ai peur, mais j'avance. J'ai peur, j'avance. J'avance.